Voilà, certes, un projet bien sensé. Le Montais. 11. Berthe ne revint que tard de Montmorency. Elle demanda si son mari était couché. On lui répondit qu'il n'était pas sorti. Alors, sans entrer au salon, où elle le savait, elle se hâta de gagner sa chambre. Elle s'y renferma à clé, elle se mit à genoux, elle pria Dieu, car elle venait de prendre une résolution qui lui coûtait beaucoup. Mais ce mot fatal, antipathie, revenait toujours à son esprit. Son oreille le bourdonnait, tous ses sens se le rappelaient, elle le voyait écrit en lettres de feu partout. Tout à coup, ses larmes s'arrêtent, sa prière cesse. Elle écoute, des pas approchent de sa chambre. Ce sont ceux de son mari. Elle les reconnaît. Ses artères battent avec une violence incroyable. Son sang circule en feu dans ses veines. Elle brûle. On tourne le pêne de la serrure. La porte résiste. « Berthe ! » crie la voix d'Eugène. « Est-ce que vous êtes enfermée ?»« Oui, » dit-elle d'une voix presque éteinte. « C'est bien, ne vous dérangez pas. Bonsoir, à demain. » Et il s'éloigna. Alors la pauvre Berthe crut qu'elle allait mourir. De brûlante qu'elle était, elle devint froide, froide à ne plus sentir son corps, et son cœur était brisé. « Il s'en est allé, » disait-elle, « et plus vite qu'il n'est venu. Mon Dieu, ne serais-je donc jamais aimée ? Jamais ! Et pourtant, j'aimerais tant, moi. Oh, je sens qu'il y a dans mon sein une puissance d'amour extraordinaire. C'est une force inconnue qui remplit ma poitrine, qui absorbe mon être. C'est quelque chose que je ne puis définir, mais qui m'étouffe, faute de ne pouvoir s'exhaler au dehors. Mon Dieu, que je suis à plaindre. Et c'est ma laideur, qui causera ma mort. Car je ne puis vivre ainsi, je le sens, je souffre le martyre, je me sens mourir à chaque instant du jour. Il n'est plus pour moi de repos, de bonheur, si ce n'est dans la tombe. Oh, mon Dieu, ayez pitié de moi !» Le lendemain matin, les deux époux se revirent. Pas une plainte d'Eugène, pas un mot sur la conduite de Berthe à son égard. Or, que pouvait-elle faire, la pauvre femme ? Prendre patience, ce qu'elle fit. Mais une sombre morosité s'empara d'elle. Elle sentait trop vivement pour ne pas souffrir beaucoup. En même temps, elle était trop fière pour se plaindre. Souvent, elle se disait, « Si je venais à mourir, il serait libre, libre. » Et elle n'osait achever sa pensée. « Oh, mon Dieu, pourquoi suis-je née ?» D'autres instants, c'était Eugène, son mari, qu'elle plaignait. La moindre marque d'intérêt de sa part, la moindre politesse, la touchait vivement. Elle s'en voulait d'être si laide, si désagréable. Elle pensait de si bonne foi qu'elle ne pouvait inspirer que dégoût, aversion, qu'elle se sentait prête à remercier Eugène de ce qu'il ne lui témoignait, ni dégoût, ni aversion. Puis, apercevait-elle un nuage obscurcir le front de son mari? Saisissait-elle un soupir, un regard triste? Son cœur se resserrait, son idée fixe revenait. C'est moi, moi, qui suis la cause de son chagrin, et elle appelait la mort. 2 mois se passèrent de la sorte. Un matin, on remit une lettre à Berthe. Elle était d'Alphée. Depuis le départ de cette jeune femme, Berthe n'avait pas encore prononcé son nom. « Je suis bien malade, Berthe, disait cette lettre. Vous êtes ma seule parente. Me laisserez-vous mourir sans me venir voir ? » Et Berthe, honteuse du mouvement qui l'avait fait agir aussi cruellement envers sa belle-sœur, en éprouva quelques remords. La nouvelle de sa maladie l'émeut, elle se reprocha d'en être peut-être la cause. Et demandant sa voiture, elle partit sur-le-champ pour Montmorency. Près d'Enghien, un cheval se déferra, et pendant qu'on le conduisait chez le maréchal du lieu, Berthe s'avança vers une petite maison située sur les bords du lac. Une grosse paysanne, assise sur le pas de la porte, allaitait un enfant. 2 autres enfants, plus âgés, jouaient à peu de distance. Berthe s'arrêta pour regarder ses enfants. Elle n'en avait pas, elle en désirait avec ardeur, et probablement elle n'en aura jamais. Un enfant, pensait-elle, Il m'aimerait au moins. Ma laideur ne l'éloignerait pas de moi. Pour un enfant, qu'importe que sa mère soit belle ou laide, une mère est toujours la plus belle pour son enfant. » Et ce fut encore une réflexion pleine d'amertume pour cette jeune Berthe. La paysanne, voyant une dame arrêtée debout près d'elle, se leva et lui offrit poliment de venir se reposer chez elle. Berthe accepta, elle entra dans la première pièce. C'était une grande chambre, deux lits, un buffet garni de vaisselle d'étain, d'assiettes de grès avec des fleurs rouges dans le fond, puis une table, des chaises de paille et de bois blanc, tout cela propre, luisant, faisait plaisir à voir. La paysanne, après avoir fait asseoir Berthe, posa son enfant sur un des deux lits et sortit. L'instant d'après, elle revint portant à deux mains une jatte pleine d'un lait tout chaud, tout mousseux. « Si madame voulait accepter, » dit-elle, faisant la révérence. « Ces enfants sont-ils à vous, ma bonne mère ?»« Dieu merci, oui, ma petite dame. Mais buvez donc ce lait pendant qu'il est encore chaud. Dame, je viens de le traire exprès pour vous. Il est excellent, ma bonne. Dame, il est naturel, celui-là, tel qu'il sort de ma vache, ni plus ni moins. Ça n'est pas comme votre lait de Paris, où il y a plus de farine que de lait. Tenez, il y a une jeune dame, une ben belle dame, et ben riche aussi, qui vient tous les jours à pied de Montmorency pour boire de mon lait. Pauvre femme, elle est ben malade, allez. Et comment la nommez-vous ? C'est drôle tout de même, j'ai oublié son nom. Attendez, Paul, dis donc, comment se nomme cette jolie dame qui te donne tous les jours du bonbon ? Madame de Maucis, dit l'enfant, sans relever sa jolie tête blonde, et continuant à jouer aux osselets avec son frère. Et est-elle donc bien mal ? Demanda Berthe avec un serrement de cœur inexprimable. Dame, elle se meurt, la pauvre femme, et d'amour encore à ce qu'on dit. Vous secouez la tête ? Vous n'y croyez peut-être pas, à l'amour. Mais moi qui ai connu une jeune fille, qui s'est périe d'amour, qu'elle n'a fait ni une ni deux, qu'elle s'est noyée bel et bien dans ce grand lac que vous voyez là en face de vous. Moi j'y crois à l'amour. Et quant à cette belle dame, ça se lit dans ses yeux qu'elle aime. Et puis, je sais toute son histoire. Quelle histoire ? Celle de la belle dame, et je la tiens de bon lieu, je peux m'en flatter. C'est son grand laquais qui me l'a raconté, que ce grand laquais, qu'on nomme Étienne, fait la cour à la fille du collecteur, pour le bon motif, s'entend, car pour l'autre, n'y aurait pas mèche. C'est une fine mouche, allez, que la fille du collecteur, qu'on la nomme Julienne. Donc, voilà ce qu'Étienne nous a dit à l'autre veillée. Cette dame est une veuve, qu'elle habitait une ville dont j'ai oublié le nom, mais le nom ne fait rien à mon compte, à mon histoire, je veux dire, car c'est aussi vrai que Dieu est au ciel et que la Sainte Vierge est sa mère. Donc, voilà qu'elle arrive à Paris, juste le lendemain de la noce de celui qu'elle aimait. Et qui avait-il épousé encore cet ingrat ? Une femme laide, laide, quoi, comme les sept péchés mortels. Vous me regardez, ma petite dame, vous trouvez peut-être que je suis bien laide, moi, pour parler ainsi. Mais nous autres gens de campagne, voyez-vous, la beauté, la laideur, ça ne nous y fait rien. Le grand soleil vous brûle, vous harde tout de même. Et puis un paysan, ça n'a pas besoin d'une sainte nitouche qui se mirerait tout le jour dans un miroir. Il lui faut du dru, une bonne et grosse ménagère, ben entendue, ben active. Mais vous autres gens de la ville, c'est ben différent. Vos messieurs, qui n'ont pas autre chose à faire qu'à promener de belles dames, quand ils en ont de l'aide, ma fine, ça ne les amuse guère. Et le pire de l'aventure, c'est que cet homme, quand il a revu l'autre, voilà que son amour lui est revenu, plus fort que jamais, et que l'on dit que lui aussi se meurt. Il est pâle, pâle, m'a dit le grand laquais, que c'est une pitié. Quant à moi, je sais bien que je voudrais que cette femme l'aide, qu'il n'a prise que pour son argent, mourût, parce qu'alors, je parierais bien que les autres guériraient et se marieraient. La voiture de madame est prête, dit le cocher en entrant chez la paysanne. Il était temps, Berthe suffoquait. Toutefois, elle paya généreusement cette femme. Elle jeta quelques pièces blanches aux enfants qui interrompirent leur jeu pour la remercier, et qui l'accompagnèrent jusqu'à sa voiture, sautant, gambadant au-devant d'elle, puis les chevaux l'emportèrent au galop.